sur une nature. J'éprouve pas de honte à ne pas savoir. T'as des choses à m'apprendre, raconte-moi tes histoires. Ne joue pas le mytho, j'suis pas trop phénomène de foi. On peut parler des boires, l'ambiance vire au morose. On peut parler espoir, repeindre la vie en rose. On peut parler ce soir, ça changera pas les choses. On peut parler et boire, jusqu'à ce qu'on ait notre dose. Inviter la poésie dans notre prose. Histoire d'oublier les perspectives d'avenir, telles que chômage et cirrhose. Et ça va sans dire qu'elles se mélangent plus facilement lors des soirées arrosées. Sortez vos casques, ce soir il pleut des idées. L'émulation des cerveaux quand y'a plus d'espace, plus temporalité. J'ai la bec affûtée, dans le fond j'aime bien causer. J'écoute les plus petits, les plus âgés. Sachant qu'entre la sagesse et le poids des années, y'a pas de cause à effet. La jeunesse me scotche, nourrit sa vie de rêve, oubliant de penser. La bouche pleine de reproches, considère le savoir comme le fruit pourri de leur vie d'écolier. Posé dans ton fauteuil, les bras ballants, quand la télé commande plus que tes parents. Je ne sais pas qui en sortira gagnant. Choisis ton arme, arrête de brasser du vent. Si l'éducation des jeunes perd son élan, une armée de journalistes couvrira l'événement. Je ne sais pas qui en sortira gagnant. Choisis ton arme, choisis ton camp. Jeunesse de France, saisis-toi de l'ignorance. Écarte-toi, le savoir est une arme, utilise-la. Donne un sens à ta vie, bats-toi contre ces schémas imposés. Rivalité entre communautés, conflits importés dans nos cités. Le savoir n'a plus droit de citer. Enfant de la télé-réalité, sombrant dans l'utopie et la bonheur matérialisée. Ouvrez les yeux, cette société analysée. Et vous verrez qu'ils nous divisent pour mieux régner. La peur de l'autre, c'est démocratiser. Un racisme ambiant par l'ignorance galvanisée. Un seul Dieu différent, messager et divisé. Les hommes le resteront, voteraient dans l'incompréhension. Mais tous savons que la diversité de nos populations fait la richesse de notre monde. De notre monde. Posé dans ton fauteuil, les bras ballants. Quand la télé commande plus que tes parents. Je ne sais pas qui en sortira gagnant. Choisis ton arme, arrête de brasser du vent. Si l'éducation des jeunes perd son élan, une armée de journalistes couvrira l'événement. Je ne sais pas qui en sortira gagnant. Choisis ton arme, choisis ton camp. Aucun salaire, le savoir ne s'achète pas. Comme un revolver ou un éduquant sec pas. Des prolos instruits, des énarques ingénus. Des ados érudits, des gâteaux qui tombent des nus. Autant que des cerveaux de boule au congrès de l'ONU. Y'a des pseudo-Voltaire qui pilotent des grues. Des ruelles sombres aux plus grandes avenues. C'est la rue et vers l'info qu'on va hacher menu. L'épilogue se mange cru, attend le plat de résistance. Sa mère a créé la rue à son gibier de potence. On prend des gestes souvent comme des menaces. On juge parfois les gens par contumace. Cette vérité qu'on accuse n'est qu'un simple point de vue. Elle a pourtant le mérite de nous rendre moins ingénus. Faut qu'on relativise, sinon on se divise. Sortons nos cavernes avant qu'on se crêpe le chignon. Car l'heure n'est pas à la danse sous les ponts d'Avignon. Et que l'État-nation n'a pas de trait d'union. Chaque jour l'érudit a sa remise en question. C'est la raison de son mal-être et de ses déceptions. Posé dans ton fauteuil, les bras ballants. Quand la télé commande plus que tes parents. Je ne sais pas qui en sortira gagnant. Choisis ton arme, arrête de brasser du vent. Si l'éducation des jeunes perd son élan, une armée de journalistes couvrira l'événement. Je ne sais pas qui en sortira gagnant. Choisis ton arme, choisis ton camp. AVOS. Derrière la peur.